Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Make it pretty, baby, a Sunday coat. Oh, did they call her Bellcat? To make it pretty, baby, a Sunday hat. To my house with black cat bones, but take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Par Bo Diddley. Eh oui, il se chantait lui-même, le bougre. Alors, Bo Diddley est né Elias Ota Betts McDaniel. Il était né dans le Mississippi en décembre 1928 et il est décédé le 2 juin 2008 en Floride. C'était un bluesman, un rock'n'roller, guitariste, chanteur et compositeur américain, bien sûr. Il était aussi très connu pour ses guitares rectangulaires. Ah là là, le rêve de tout guitariste, d'avoir une de ces guitares flamboyantes, ça doit être assez sympa sur scène. Alors, ce titre Bo Diddley est enregistré vers 1956, ça fait un tabac, avec en même temps qu'un autre titre qui l'a fait connaître à cette époque, qui s'appelle toujours « I'm a Man ». En 1965, le groupe français Les Lionceaux y va de son hommage et de sa composition parlant de Bo Diddley. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, ils étaient plutôt spécialisés dans les reprises des Beatles. Mais voici les Lionceaux qui se lancent dans Hey Bo Diddley, dont la musique est plutôt empruntée au Not Fade Away de Buddy Holly. Un peu plus tard, on nous a appris le nom d'un certain monsieur Chuck Berry. Hey, hey, Bo Diddley. Hey, hey, Bo Diddley. Hey, Bo Diddley, alors me direz-vous, c'est lui qui a fait ce rythme fou. Nous les lionceaux, quand on entend ça, on te Paris. Nous, nos billets sont déjà pris. Vous pourrez voir qu'un regard marrant taperle en bas au premier rang. Pour lui faire honneur à sa première. Et avec nous vous pourrez hurler. Vive les oiseaux et les bonnets. Sur la compilation en 3 CD « La légende du golf d'Oro », voici les Night Rockers « I Can Tell », évidemment une composition de Bo Diddley. Et c'est M. Henri Leproux en personne qui les présente, les Night Rockers. Et voici maintenant le groupe classé premier cette année au golf d'Oro, les Night En 1996, le groupe Double Dose publie un excellentissime album qui s'appelle Blues and Groove. Le groupe n'existe plus depuis de nombreuses années, mais le CD reste. C'est un groupe de la région lilloise, Double Dose, avec leur version de I Can Tell. Thank you. can tell. I know you don't love me no more. You don't answer to your telephone. When I knock on your door, it seems like you ain't home. Your little sister let me in and tell me I can wait. Philippe Ménard, il nous fout le bazar. Mais non, c'est le titre de son album. Philippe Ménard, fout le bazar, en 1997. Who do you love? En public, Philippe Ménard. Come on, baby, like, walk with me and tell me who do you love, baby? Who do you love? Thank you. and seven miles of barbed wire. Got a cover and snake from the necktie. Got a banner house on the river in the sky. Made out of rocks and high. Got a banner chill with a lid on. Come on and spread out your skill. Come on, baby, take a walk with me. Tell me, who do you love? Who do you love? Take it, give it down there. Who do you love? Who do you love now? Who do you love, little baby? Who do you love? All right. Who do you love, baby? Who do you love? toujours en public, toujours Who Do You Love, Greg Zlapzinski, en 1999, un enregistrement live à l'Utopia, et avec en invité Jean-Jacques Milteau, le duel des harmonicistes, Greg Zlapzinski, Jean-Jacques Milteau, yeah. Use a cobra snake for necktie. Got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. Got a brand new chimney made on top, made from human skull. Now come on babe, let's take a little walk. Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? The night was blue, and around the corner I swing on flew. A bump was hit and somebody screamed. You should have heard just what I see now. Who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Big on flu. A bomb was hit and somebody screamed. You should have heard just what I see now. Who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Oh, tell me who do you love? Tell me who do you love? Oh, tell me who do you love? Tell me who do you love? Oh, tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love. Je vous disais en début d'émission que les deux premiers succès de Bo Diddley, c'était Bo Diddley Song et I'm a Man. Eh bien, Lulu Campers, en 2000, a fait sa version féminisée, c'est donc I'm a Woman. Lulu Campers est malheureusement décédée quelques temps après la parution de son unique CD, mini-album. Elle venait du Sud-Ouest et de Montpellier, je crois bien. Et nous lui rendons hommage aujourd'hui. Lulu Campers, I'm a Woman. Bye bye et à la prochaine. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right. Oh, my mama told me the day I was grown. She said, sing the blues, child, singing from now on. I'm a woman now. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.